faut s'autogérer quoi. Faut que chaque groupe de potes se dise bah, que chaque pote est important et que bah, s'il y a un pote qui est par terre, bah, faut le relever et voilà. Thank you. Thank you. Thank you.